Les figures, par leurs dessins, par leurs draperies et par leurs mouvements, appartenaient à l'école de Raphaël. Par l'exécution, elles rappelaient l'école des bronziers florentins que créèrent les Donatello, Brunelleschi, Ghiberti, Benvenuto Cellini, Jean de Bologne, etc. La Renaissance, en France, n'avait pas tordu de monstres plus capricieux que ceux qui symbolisaient les mauvaises passions. Les palmes, les fougères, les joncs, les roseaux qui enveloppaient les vertus étaient en effet d'un goût, d'un agencement à désespérer les gens du métier. Un ruban reliait les trois têtes entre elles, et sur les champs qu'il présentait dans chaque entre-deux des têtes, on voyait un W, un chamois et le mot « fekit ». « Qui a donc sculpté cela ?» demanda Hortense. « Eh bien, mon amoureux !» répondit la cousine bête. « Il y a là 10 mois de travail. Aussi gagnais-je davantage à faire des dragons. Il m'a dit que Steinbock signifiait en allemand « animal des rochers » ou « chamois ». Il compte signer ainsi ses ouvrages. « Ah, j'aurai ton châle !»« Et pourquoi ? Puis-je acheter un pareil bijou ? Le commander ? C'est impossible. Donc, il m'est donné. Qui peut faire de pareils cadeaux ? Un amoureux !» Hortense, par une dissimulation dont se serait effrayée Lisbeth Fischer, si elle s'en était aperçue, se garda bien d'exprimer toute son admiration, quoiqu'elle éprouvât ce saisissement que ressentent les gens dont l'âme est ouverte au beau, quand ils voient un chef-d'œuvre sans défaut, complet, inattendu.